demi-portion. Hakim, j'endurcis mon édifice pour une façade bien efficace. Mon édifice pour une façade bien efficace. Mon récit reste d'office à la manière d'un kamikaze. Mon récit reste d'office à la manière d'un kamikaze. 2008. Allo Hakim, ouais, allô. Ça va ou quoi? Bien, quoi? Mon frère, d'ici 4 heures, je serai à Paris avec 2-3 affaires. Oublie les 3 enfermes, j'aurai rien d'illégal, mis à part un bif, sachant qu'ici le savoir est une arme. On aime ça, comme voyager sans universal, et toujours loin de la fermer, sans dissimuler le message. Précis dans le dosage, on verra ça après l'hôtel. Car tu sais qu'ici en France, on n'aime pas trop parler hôtel. Accompagné de l'adir, je serai au studio dans 15 minutes. C'est-à-dire qu'il pleut grave, un ciel couvert sans demi-lune. Ma conso qui se diminue, tu sais dans le sac ce que je ramène. Bientôt le premier album. Quelques vinyles pour Jamel, un couplet pour que ça m'aide. 7 écrit sur l'ardoise, dédicacé à tous les secteurs, en passant par le Val d'Oise. Écoute ça, non, j'ai pas encore trouvé la vie belle. Entre l'alcool et ce shit, on s'approche plus de la vitesse. En mode jazz, 31 jazz, j'arrive dans le jazz sur la 7. Je vais récupérer le frère de 7, pareil qu'un truc qui se profile. Ma tête, je la vide, bombarde au volant de la vie. Jamais être en retard, au rencard, telle est la devise. Loin des novices, du vice, on a pété à la notice. Ouais, je demi-pé, bien quoi, vas-y, tu que ton bise. Pareil, t'as ce qu'il faut, mieux que ce truc dans le cellophane. Pendant que t'es fleur fan, tu réfléchis jusqu'à te casser le crâne. Peut te leur fourguer en tonne, en gramme, en drame, en larme. Dans tout Paname, et ses écoles dans le macadam. Il me fait un stylo, une arme, j'ai ces messieurs dames. La tasse, je vous les pose sur la table avec une parole top. T'inquiète, rage-toi, je monte à la deuxième station du son. Ramener du sens, pas du sens, ça va du 34 au 9-5-800. Te trompe pas, j'ai les propos puissants. Pousse-toi, être trop coquissant. Tu flippes, prêt à te croquer quand tu descends. Hey, ok, mon pote, passe-moi le micro, que j'enquille. Que j'arrête de jouer avec ma VR face au pile. Avant qu'un cesse, les opères, que disparaissent les souvenirs. Comme toi, je veux voir les souvenirs. Encore une journée à espérer un changement. Malgré qu'on a un échange et mec, on s'y accroche étrangement. C'est net, clair, on vit pas sur la même planète, mon cher. C'est au niveau de ce qu'on cherche que je crois que ça diffère. Hallucinant, ma vie prend du poids, restant en contact avec le ciment. Vas-y, dis-moi si je mens. Coriace, dis c'est dangereux. Faut que tu te branches, tant qu'on est l'ange. Je chante, c'est étrange. On couche sur papier, de nos vies une tranche. À cette heure-ci, faut que tu te branches, faut pas que tu te branches. Sinon ça va la forme, vis toute ta vie tranquillement. Car ici tu vois, les mecs sont sortis pis, faut pas de sentiment. Vas-y mon frère, vas-y, passe le bonjour au 9-5. Je passerai le tien au 9-4, vas-y porte-en bien le 5. Vas-y porte-en bien le 5. Porte-en bien le 5.